Sous-titrage contre doublage, c'est un vieux débat de cinéphile. Le sous-titrage en France, pendant longtemps et aujourd'hui encore, c'est vu un peu comme quelque chose d'élitiste, voire de snob, non ? Quand on parle du sous-titrage, on évoque souvent la chaîne Arte, qui avant même la télévision numérique avait déjà fait ce choix du sous-titrage pour beaucoup de films, Canal+ également, mais à des heures beaucoup plus tardives.